Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Gizmo. Et c'est parti pour le Planète Rap entre 20 et 21. Passez une bonne soirée. Ça fait du bien de faire un petit peu de sport avant le Planète Rap. Comment ça va, Gizmo? Ça va au calme et toi? Bah écoute, en pleine forme. Tranquille. Tout va bien, l'émission. Ça va, Fred? Ça va et toi, Willy? Tout à l'heure, on t'attend. Bah, est-ce que je suis à l'heure? Toujours, frérot. Sauvé par le gang. C'était une sacrée course. Bon, tout va bien, Gizmo, aujourd'hui? Au calme, frérot. Bien remis, hier soir, c'est une grosse soirée. Oula. Ouais, laisse tomber, bordel. Hein. Là, j'ai même du mal à me lever ce matin. Ah oui, parce qu'après, toi, tu as continué. On aime les acteurs, tout ça. Toi, tu as continué. Frère, laisse tomber, frère. Et bon, on va pouvoir se rappeler tout de suite, maintenant, ce qui s'est passé hier soir dans l'émission avec Gizmo. Ça donnait ça, il y avait une grosse ambiance. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. J'ai habité un peu longtemps toute mon enfance, tu vois. Et... Tu rappelais que bah, quand il y avait Démon One, que parfois, tout comme Démon, tu dormais aussi dans la rue. Ouais, je dormais dehors, c'est vrai. Voilà, donc je t'explique, tu vois, je suis adopté déjà à la base, tu vois, dans ma fratrie. Je suis un peu comme le mouton noir, c'est-à-dire, je suis adopté, machin. En fait, c'est compliqué. C'est la sœur de ma mère qui m'a adopté quand moi j'étais bébé, puisque ma mère, elle pouvait pas s'occuper de moi. Ma belle-mère, tu vois, j'étais un peu, des fois, en conflit avec elle et tout, et je pouvais pas. Des fois par fierté ou bah, pour des embrouilles, tu vois, je sortais de la maison et je revenais pas des fois des trois mois. Et tu vois, quand t'as 16 ans, t'as pas de revenu fixe et que tout ce que tu trouves à faire c'est voler, dealer, y a pas 15 000 endroits où tu peux dormir, tu vois, sinon tu dors dans une cave du quartier. Ou... Planète Rap, le freestyle. Sors de mon zoo avec un zoula à la bouche, pas de ceux qui se foutent droit à la chenouf. Moi je me soulage à la douce, je passe du courage à la frousse. Tant de frères qui nous ont quittés, gangsters souvent impliqués dans le stress et dans les cités. Quand berge essaye d'exister sans faire de débilité, je dis ça parce que j'ai fait rimer. Grande bière et nécessité. On n'a pas le temps à tout vous dire, on crame l'Afghan, ça taffe quand vous pioncez mec. Coup de sûr, on passera devant. Où sont les fils de ceux-là que j'arrive et que je pisse mon venin sans arrêt? En vise de ce cas, je veux plus que ce dont j'ai besoin. Ouais, c'est toujours plus, toujours luxe, plus pour brux, toujours frustré. Le tout pour le tout pour le succès. Bédard monte, le repousse au lendemain. Tu t'interroges sur mon trip, je te raconte que quand je reviens. Wow, on en est où? Gros flow au rendez-vous, trop haut, je leur afflige des bonbons même sans les coups. Voilà, c'était hier soir dans l'émission entre 20 et 21 avec Gizmo. L'album est sorti lundi, il s'appelle Dans ma ruche, on le découvre tous les soirs. Et alors attention, oui, parce que ça c'est, je l'apprenais là pendant la rediffusion du replay d'hier. Le gagnant, il devait y avoir des gagnants même, ou un gagnant par rapport au concours que tu as fait. A priori bah, c'est ce demain soir. En fait celui qui a freestylé que j'ai invité d'office, il va venir ce soir. Ah, le freestyler de lundi, ouais. Voilà, et on a pris un peu de retard par rapport au concours, donc ce sera demain, Inch'Allah. Donc demain le concours. Ouais, tu nous connais, on est des méga galères. Là, on a les gagnants, on va les annoncer. Donc on pourra les annoncer quoi? Sur la page Facebook, sur quoi? Même sur Skyrock aussi. Ouais, même sur YouTube. Ah bah voilà, c'est donc. C'est toi qui es passé lundi? Eh bah bienvenue, il s'appelle comment? Je vois quelqu'un. Il s'appelle comment? Il s'appelle Bugs Bunny. Ah bah oui, c'est le fameux Bugs Bunny. Ouais, ça va bien Bugs Bunny. T'inquiète, j'ai retenu, frère. Et ben on va vous le présenter dans un instant. Il est passé au freestyle lundi. C'est vrai que tu as tout de suite eu un petit coup de cœur, Gizmo. Ouais, t'as dit il faut que tu viennes. C'est ça. En plus tu viens pas d'à côté, je crois, Bugs Bunny. J'ai fait 5 km. T'étais dans ton terrier, il y a dans ma ruche, c'est bon, on peut ouvrir un zoo. T'es venu tout seul ou quoi? Non, je suis venu avec mon oncle. Sérieux? Ah bah tonton, il t'a amené et tout en plus, cool. Ouais. Reste pas à lui. Hein. Eh bah, on va le saluer dans un instant et puis on t'écoutera freestyler tout à l'heure avec Gizmo. Et comme chaque soir à 20h pile, on débute le Planète Rap avec un morceau extrait de Dans ma ruche. On se met dans 10 ans. C'est parti, non? Gangsters. Zone sensible, Yoni Willy Willy Yoni. Wouh! Ma mère va m'enterrer à 31. Parce que j'ai niqué mon foie, mon pancréas. Sors ton poston, vas-y on s'en fait un. On est beau, on est jeune, on réalise pas que ce sera la merde le jour où ils légalisent la beuh. Mais pour l'instant je m'en fous, j'ai que 21 piges, des joints et du bif. Faut pas de 27, je vais me rincer une bif. Et j'irai boire histoire de noyer mon chagrin. Maman culpabilise pas, t'as bien choyé ton gamin. Mais je me sens seul et le monde est froid, il est glacial. Alors je suis ceux qui ouvrent leur gueule et qui font des choix. Alors oui, j'ai choisi de me guédro. Une sale mine, le veto, la fatigue, le métro. Des nuits entières à réfléchir dans le vide, à sentir mon foie se rétrécir dans le vide. Ouais, je me la colle en cachette gentiment. Ce sera sûrement trop tard si j'arrête dans 10 ans. On s'est dit qu'on arrête tout dans 10 ans. Là de l'alcool et shit. On se retrouvera quand on aura 30 ans. Dans un bar glauque ou dans la street. On s'est dit qu'on arrête tout dans 10 ans. Là de l'alcool et shit. On se retrouvera quand on aura 30 ans. Dans un bar glauque ou dans la street. Et nos parents pleurent des rivières. À force de venir voir leur fils au parloir ou au cimetière. Ouais, nos parents pleurent les rivières. À force de venir voir leur fils au parloir ou au cimetière. Ouais, il sera sûrement trop tard. Avec un ulcère et les poumons percés. Mes adultères et mes millions de péchés. Et y'a tout ce monde perché. La coke est à la mode. Je vois que ma cote est en descente. Donc je vais me droguer à la mort. Parce que si j'arrête dans 10 ans, j'accumulerai les dettes de jeu. Fréquenterai les dièses de gueux chez les divans. Fini le gizmo avec des groupies et des fans. À force de tout pillage, j'ai déclenché un truc irrémédiable. J'aurais pris le melon. Lâché ma meuf pour une tasse plus de passage. Insomniaque mort vivant, j'oublie ce que ça fait de pas chave. J'ai tourné le dos à tous mes potes. Je t'explique les choses. La solitude a tellement de charme dans un fixe d'héros. 21 ans, c'est bien trop tôt pour les. Les feux de la rampe, on fait semblant qu'il fait nos vies. En vrai, on veut que ça change. J'irai trouver ma rue, vendrai mes sachets en silence. Si j'arrête dans 10 ans, on s'est dit qu'on arrête tout dans 10 ans. Là de l'alcool et shit. On se retrouvera quand on aura 30 ans. Dans un bar glauque ou dans la street. On s'est dit qu'on arrête tout dans 10 ans. Là de l'alcool et shit. On se retrouvera quand on aura 30 ans. Dans un bar glauque ou dans la street. Je vais foirer ma carrière. Willy va me jeter du label. T'es boussolé, j'irai me buter avec les reflets du cartel. Et puis le shit me fera plus rien. Ce sera pas assez, complètement ravagé. Je me vois tirer sur un cul de joint. Je me vois voler ma mère, lui mentir. Genre passe-moi de l'argent, une dernière dose. Et je vais m'en sortir. Si j'arrête dans 10 ans, j'oublierai ce que mon père m'a dit. De ma carrière jusqu'au verbatim. J'aurais provoqué ma chute. Une fois tombé dans le piège, j'apprécierai la neige. Quand mes potes vont proposer la luge. Trop zoné, ça tue. Et une décennie, ça passe trop vite. Je réfléchis. J'ai pas de logique, dépressif et alcoolique. Et je rédige des tas de folies. Même si j'ai laissé tomber, j'aurais préféré qu'on dise de moi. Merde, ça fait plomber. Je sens un mal-être grandissant. Ainsi sera ma fin si j'arrête dans 10 ans. On s'est dit qu'on arrête tout dans 10 ans. Là de l'alcool et shit. On se retrouvera quand on aura 30 ans. Dans un bar glauque ou dans la street. On s'est dit qu'on arrête tout dans 10 ans. Là de l'alcool et shit. On se retrouvera quand on aura 30 ans. Dans un bar glauque ou dans la street. Et nos parents pleurent des rivières. À force de venir voir leur fils au parloir ou au cimetière. Ouais, nos parents pleurent des rivières. À force de venir voir leur fils au parloir ou au cimetière. Ah, Yoni Willy Willy Yoni, et tu le sais. Ziggy des zones sensibles jusqu'à l'infini. Dans 10 ans avec nous, Gizmo, toute la semaine sur Skyrock et cet album qui est dans les bacs. Et album, c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais niveau featuring, bah, à la Gizmo, il n'y a pas 50 000 featuring. Ah, c'est ça, il y en a un seul. Il y en a un seul. Ouais. Après, vas-y, comme on est 10 dans ma tête, c'est pour ça. Un album en commun. C'est pour ça. C'est un album en commun avec toi et les autres. Voilà, et les autres Gizmo, il y en a beaucoup, ouais. C'est ça. Il y a des Gizmo qui sont. Bien, il y en a d'autres qui sont un peu plus vicieux. Il y en a des bien. Ah ouais, je voulais te dire un truc. Il y a ma petite sœur Cayenne YW qui est là, qui a sorti un clip. C'était aujourd'hui, hier. Bonjour, qui s'appelle Quelques Notes, qui a été réalisé par Fat Cat et avec une app. Barge surtout. Ouais, et Willy le Barge aussi. Ah, oublie pas Willy. Ne vexe pas Willy. Finalisé par Willy le Barge. Ok, donc ouais, c'est bon. Je me fais tirer les bretelles. Dans 10 ans en même temps, tu vois. Je me fais tirer les bretelles. Ouais, et bah Cayenne, on la salue. Ça va bien Cayenne, en pleine forme? Tu parles pas, tu dis plus rien. Non, si, je suis là. Tu écoutais? Ouais. Et bah donc on peut retrouver ton clip, ça y est, il est dispo. C'est ça, ouais. Et puis toi, c'est quoi, 2015? Des sorties pour 2015, toi? Je prépare des nouveaux sons, Inch'Allah. Et bah c'est prêt, on a bossé, hein, ça fait un moment, de toute façon, Fred, tu sais. Bah ça arrive. Et bah très bien, on pourra peut-être découvrir du live, il y aura du live avec toi aussi. Ouais, on va balancer déjà son son ce soir déjà. Et bah très bien, on passera tout à l'heure. Deuxième partie, après il y aura du live, c'est sûr. Et il y aura du live. Non, pour revenir juste deux secondes sur les featuring, Amadou et Mariam, le choix d'Amadou et Mariam. Bon, c'est comme des musiciens maliens qui font le tour du monde d'ailleurs, voilà, avec leur musique. Exactement. Moi tu vois, je suis malien aussi. Ouais. C'est des gens, moi je les écoute depuis que je suis petit, tout ça. On travaille avec Bicos Music tous les deux, la connexion elle s'est faite assez facilement. Le morceau ici traité grave et vas-y, ça s'est fait vraiment fluide. C'est une belle rencontre. Fluide, ouais, on a rigolé à mort, voilà, on a rigolé. Ouais. Parce que la rencontre Gizmo, Amadou, Maria, moi, ça doit être marrant en fait. Non, on a rigolé. Parce que c'est des bouts en train, ils cachent bien leur jeu. Ah oui, il y a un petit côté bout en train. Ouais. Eh ben on pourra peut-être écouter, je sais pas ce que t'as prévu de passer d'ailleurs, Gizmo, qu'est-ce qu'on passe? On peut mettre l'homme qui a peur. On peut l'homme qui a peur, ouais, bah. Il est né comment donc ce morceau? C'est... Bah moi j'en avais marre de faire du rap, je suis arrivé, Iso, il y avait Iso, Franck, David, je leur dis ouais. Willy me dit ouais, faut changer un peu, t'as pas des sonorités, je sais pas quoi, on se parle et tout, c'était flou. Je me rappelle pas trop bien comment ça naît l'embryon, mais en tout cas j'arrive au studio et je leur dis ouais, je veux un truc qu'un fri et tout, j'en ai trop marre du rap. Un sample, tu vois, marre du rap, et tout, machin et tout. Du coup, on va dire Dombolo, c'est ça? Ouais. Et tout. On a envoyé ça à Iso, Iso après la suite qu'il fallait faire, tu vois. Mais c'était quoi ce côté marre du rap qu'il avait Gizmo? C'est 90 morceaux. Bah ouais, frère, tu sortais de 90 tous les jours. J'ai fait presque 100 morceaux pour cet album, tu vois. Ah, il y a carrément 100 morceaux? Presque, frérot. Mais le choix, ça doit être insupportable, en fait. Quand non, tu mais te après, réunis avec toi-même et tes 10 autres. Hein? Et quand tu te réunis avec tes 10 autres, ça doit être le choix. Ah, laisse tomber. Le choix, il doit être terrible. Des fois, il y a des dilemmes, des fois, des évidences aussi. Des fois, ça dépend. Bon, je rappelle qu'il y a énormément de morceaux. Un coffret, une box collector. Ouais, exact. Avec une casquette à l'intérieur. Ouais. Et des casquettes différentes, hein. Il y a 22 modèles. Donc, 22 modèles. Toi, c'est toi et ta chance. Si t'aimes le léopard et que t'es chanceux, tu reçois le léopard. Donc, tu ouvres cette box et tu as l'album avec un double CD, hein, puisqu'il ouais, y a aussi. Ouais, parce que c'est la version collector, donc du coup il y a 5 morceaux offerts. Des instrus. 3-4 instrus aussi, et la casquette. Ça aussi, c'est bien de mettre des instrus, parce que. Des instrus, ouais, parce bah, que... Ouais. Bah après, moi, t'as vu, j'ai commencé comme ça sur des faces B, et je suis conscient que musicalement, je pense faire des bons choix, et il y a des petits kickers, tu vois, comme Bugs qui est là avec nous ce soir. Peut-être ça lui fait plaisir d'avoir la prod de dans 10 ans, ou je ne sais quoi, tu vois, pour kicker, placer ces machins, tu vois, et moi. Je sais que j'aimais beaucoup rapper sur les instrus d'Arsenic et tout, mais c'était dur de les trouver. Il fallait créer des comptes sur, je me rappelle plus le site d'instru là à l'époque, mais c'était n'importe quoi. Fallait diguer à mort, tu vois. T'étais presque un DJ quand tu cherchais les machins. T'es Napster toi à l'époque. Tu devais récupérer. Ouais, laisse tomber. Je faisais laisse tomber. On cascadait pour avoir les prods, je te jure. Bon, Bugs Bunny, c'est un peu le problème aussi les prods. Toi, tu viens d'où? Moi, d'Aurillac, je viens. D'Aurillac, donc pour toi, t'as quand même des mecs qui font du son là-bas. Non, je kick sur des prods. Des phases B. Ah ouais, tout le temps. Ah ouais, donc bien joué le coup des instrus pour toi. Oh, cadeau. Allez, cadeau pour tout le monde. Et on écoute donc ce morceau avec Amadou et Mariam. C'est ça. L'homme qui a peur. Ok, les gens sont blessés, les gens sont stressés. Papa, je suis fatigué, s'il te plaît, faut me laisser. Je quitte la cité, j'ai besoin de m'apaiser. De changer les idées, ni téléphone, ni PC. Enfant du pays, je mange que du mafé. La misère a sévi, on s'arrête pas de taper. Sénégal ou Mali, Côte d'Ivoire ou Zaïre. Jusqu'à la Mauritanie, on veut juste faire nos balises. C'est l'homme qui a peur, mais y'a faute. C'est l'homme qui a peur, mais y'a faute. C'est l'homme qui a peur. C'est l'homme qui a peur. De m'évader, j'en ai marre d'être égaré. Valentin Vineuve, la carène, tous les jours on est dans l'arène. Je suis un Sénégal et qui s'endort avec ses galères. Comme les strass et puis les paillettes, veux des billets dans la marée. Et je me vois au carnet, posé avec mes bassa. T'es les miando, on mélange avec le yassa. Je bouge au Congo, je me sais pas dans un ganda. Et comme un Gambi, il fait chaud, il y a la ganja. C'est l'homme qui a peur, mais y'a faute. C'est l'homme qui a peur, mais y'a faute. C'est l'homme qui a peur. J'appelle mon cousin du bled et comme d'hab il a faim. C'est l'homme qui a peur, sinon il y a rien. J'appelle mon cousin du bled et comme d'hab il a faim. C'est l'homme qui a peur, sinon il y a rien. Et l'homme qui est le c'est l'homme qui a peur. C'est l'homme qui a peur, c'est l'homme qui a peur. C'est l'homme qui a peur, c'est l'homme qui a peur. Igor, c'est l'homme qui a peur, c'est l'homme qui a peur. Yeah. splitté depuis le début, quoi. On va faire la fête. Y'a foi. À l'instant, l'homme qui a peur avec Amadou et Mariam, Gizmo. Ouais, c'est l'homme qui a peur, sinon y'a foi. Ça donne le sourire, je vois, en tout cas. Ouais, ça swing. Hein. Ah, ouais. Quel rapport t'as justement, toi, avec l'Afrique, encore avec les racines? Bah, moi, mais pas avec, tu vois, pas toute l'Afrique. Nous, Russie, comme on est des beaucoup familles recomposées, éclatées, machin, j'ai beaucoup, par exemple, tu vois, comme t'as vu, enfin, d'ailleurs, j'ai fait un petit showcase, d'ailleurs, je tiens à dédicacer toute la Secret Connexion, tu vois, et qui viennent d'ouvrir la Secret Boutique à Marcadet Poissonnier, c'est à rue Marcadet, je sais plus au combien. À 80 rue Marcadet, voilà, exactement. 80 rue Marcadet, la boutique de la Secret. Voilà, c'est la Secret Boutique, j'ai fait un petit showcase là-bas. Quand tu me demandais, ouais, par rapport au bled. Et aux racines, ouais. Voilà, il y a un mec qui me parlait en lingala, tu vois, qui a un dialecte congolais aérois que je comprends. Et parce que, voilà, mes frères, des sœurs qui sont d'autres, qui sont tous sénégalais de base, mais après mélangés avec d'autres pays d'Afrique, tout ça, machin. Donc moi, à la base, j'ai un peu des relations privilégiées, même si j'ai pas l'occasion d'aller souvent. Même quand je suis en France, j'ai des relations privilégiées avec mes pays d'origine, tu vois. Tu gardes un œil et une oreille. Ouais, exact. Sur ce qui se passe sur place. Ouais. Jouer là-bas, t'as jamais fait encore? Non, pas encore. Bah écoute, peut-être 2015. Peut-être. J'ai fait un clip au bled, peut-être, ouais, concert, ouais, j'espère. Bah pour la bientôt, suite. Inch'Allah. Il y a des dates d'ailleurs de prévues, visiblement. Ouais, bah le 20, le 21, le 22, le 23. Putain, j'ai même plus les villes et tout. Le 20, je suis à Montpellier. Le 21, je crois, je suis à Marseille. De ce mois-ci. Voilà, le 20 de ce mois-ci là. Le 20 décembre. Vendredi, je finis avec toi. Samedi, j'enchaîne avec eux. D'accord. Donc du 20 au 28, j'y suis. Après voilà, je veux pas vous raconter de conneries. Plus référez-vous plus à la page qu'à l'artiste, parce que je risque de vous induire en erreur. Mais ouais, en gros, du 20 au 28, je suis en tournée et je fais beaucoup le sud dans cette période-là. Ah, regarde, les dates arrivent. Voilà, c'est impeccable. Donc ouais, le 20, je suis à Montpellier. Le 21, je suis à Marseille. Le 22, je suis à Toulouse. Le 23, je suis à Nancy. Le 26, je suis chez les Verts à Saint-Étienne. Et le 28, je suis à Lyon. Inch'Allah. Voilà. Et bah loupez pas, Gizmo, c'est quoi, concert, showcase plutôt? Je crois qu'il y a 2-3 showcases dedans, mais après le reste, ouais, c'est que des concerts, des salles. Très bien. Ouais. Et bah loupez pas, Gizmo, près de chez vous. Les dates, sinon, elles sont dispo sur les réseaux sociaux un petit peu partout. Dans un instant, on va revenir, on mettra le son dans quelques minutes aussi de Cayenne qui est là avec nous. Mm-hmm. Qui fait partie de l'équipe. Qui s'appelle Quelques Notes. Le clip est sorti aujourd'hui, réalisé et scénarisé, comme il s'est appliqué à me le dire, par Willy le Barge. Et épaulé par l'équipe Fat 4. Donc ouais, c'est lourd. Je vous invite à aller checker ça. Hein. Et bah bougez pas, c'est dans un instant le retour du Planète Rap de Gizmo. Gangs. Comme toi. Gizmo a lui aussi choisi Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Gizmo avec nous et l'album qui est dans les bacs qui s'appelle Dans ma ruche. Dans ma ruche, bébé. On le découvre. Skype, comme à chaque reprise, j'ai un truc à dire. Dis-moi. Que vous pouvez retrouver si vous achetez pas le coffret et que vous voulez quand même bonnet, casquette, gants, pull, survêt. Il y a beaucoup de monde qui demande si tu sors le pull. Vas-y, j'allais y venir. Le truc, c'est quoi? C'est que vous pouvez pécho tout ça sur YW.com ou sur la boutique officielle. De toute façon, vous mettrez pas trop de temps à nous chercher parce qu'en général, on est dans le top. Donc, tu vois les pêcheurs vite fait, bien fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire aussi que le réversible, on sort mercredi, bande d'enfoirés. Voilà. Enfin, y a beaucoup. Alors, c'est quoi ce pull? Ils t'ont vu ils m'ont vu dans Freestyle Réversible. Mmh. Tu vois, c'était le thème. C'était pour présenter un peu le modèle, machin et tout. Et ça a marché grave et je le porte maintenant moi tout le temps. Donc je dis ça pour ceux qui veulent le découvrir. Voilà, mercredi ça sort, ce sera sur la boutique officielle sur YW.com et dans pas trop longtemps, Inch'Allah en boutique. Je sais qu'en tout cas mes producteurs ils ont envie de ça, ils sont morts, tu vois, ils bossent dur. Donc Inch'Allah bientôt en boutique, mais pour l'instant sur YW.com et sur la boutique officielle. Tiens, et en parlant aussi des sorties pour 2015, il y aura Cayenne sur le label. Il y a Cayenne justement, qui sort, et Cayenne qui est là. Ouais, c'est ça. Cayenne, présente-nous le morceau qu'on va écouter maintenant. Bah, c'est Quelques Notes, c'est un morceau réalisé par Willy le Barge. Et tu verras. C'est la première fois que tu vas le voir de toute façon. Là je vais l'écouter. Bah voilà, tu me diras ce que t'en penses. Et on l'écoute maintenant. Vas-y. Et réaction juste derrière. Tiens, dites-nous vous aussi ce que vous pensez du morceau avec le 41759, le hashtag Gizmo sur Skyrock. Ça c'est un morceau de Cayenne qu'on écoute maintenant. Cayenne Gangsters, Jeff, quelques notes. We love you. Les yeux fermés, je m'envole sur la vibe.

Et voilà quoi. Gizmo. Montrez la tête Gizmo, calme-toi. Parce qu'il y a des photos qui arrivent. Tu nous perturbes. Attends, Fred, vite fait. Fred. Dédicace à Sanjo, le serpent du désert, ce petit enfoiré. Et il a bien écrit en plus dans le texto, serpent du désert. Et dédicace. Dédicace à Sonko, Oussem, Rosso, Belleville. Il y a qui encore? Il y a Dimgaré, Nabil qui rentre demain. Tout le monde vous attend ici, 2ème division Nord. Vas-y, on est ensemble, ça bouge pas. Gangsters. Allez-y. Gang. Et façon, pour mettre les images pour Rock FM. Au sujet là, que sur KN, comme je disais, c'est 2 ans de travail, t'as vu. C'est une fille qu'on a découvert dans le sud, où on est monté, on a enregistré beaucoup de morceaux. Voilà, t'as vu, elle prépare à quelque chose de très très lourd qui arrive en début 2015. Déjà, on va dire une première mixtape, tu vois. Une strip tape, et puis voilà. Et ben on suivra ça. Cayenne, d'ailleurs, rappelle les réseaux sociaux où on peut te suivre aussi. Facebook, c'est Cayenne officiel. T'as Twitter, pareil, KNYW. Et Instagram, KN221. KN221 pour aller suivre. On va pas lancer un morceau de Gizmo avant d'attaquer le live, Gizmo. Ouais. Il y a Bugs Bunny, il est chaud. Hein. Il est là depuis tout à l'heure. Il est énervé. Il est arrivé lundi, il est passé par le Freestyle Téléphone. Tu as dit, vas-y, viens. Direct, viens de Aurillac ici. Tu connais, moi, je suis un chercheur d'or. Quand je suis sur une pipe, je vais te rappeler dans un instant aussi, Bugs Bunny. Ouais, et là par téléphone c'est Chixmiz, c'est ça? Oui c'est ça. Chixmiz de Brest, salut. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous. Ça va, je te présente Gizmo. C'est Chixmiz en fait. Oui c'est Chixmiz, mais moi je te disais je te présente Gizmo. Ah, enchanté. Voilà. Enchanté ma sauce. Tu fais quoi toi? Tu rappes? Oui en fait je fais du rap. Voilà, je fais du rap depuis déjà 2 ans en fait à peu près quoi. Et bon, on va t'écouter maintenant à Capella, c'est parti? Ok. C'est sur Freestyle par téléphone, on y va. Ok. Chixmiz, je suis de retour dans le game, je représente la nouvelle génération. Je veux faire une soirée des plus mémorables, soirée inoubliable. Evening class, but also crazy. I want to celebrate my success. Moi et ma team, on prend la route à bord de notre Q7 limousine, loué pour le show le plus select de l'année. Tapis rouge, séance photo, dress code for everyone in the club. In the club, DJ balance les hits, tout le monde s'agite quand tu rentres sur la piste, t'as qu'une seule idée, se déchaîner, tous ensemble, profitons la soirée, fashion party, hey c'est la fiesta, American nightlife, new generation, trop de power, ça vide la night, profite de la live, rien de sérieux, rien de concret, new generation, ce soir on est hal pour kiffer, s'éclater, s'évader, on veut danser, faire la fête, baby show me if you can make the party, tu veux les étoiles, tu veux t'approcher du sky, si tu cherches à perdre, prépare ton gilet par balle, qui ça, Carla ou fashion, allez sans pitié. On est tous devenus des ouf, on vit au jour le jour. Le turf aussi nous. Même si je te baille en 2000, j'ai déjà refait ma vie. Moi, pour nous c'est easy. Sur le podium, c'est moi la queen de la night. Champagne à volonté pour oublier nos soucis. On veut bouger, s'ambiancer toute la night. Je veux voir toutes les mains en l'air, je mets le feu toute la night. La vie short, on va profiter au maximum de notre vie. La fille beautiful, accepte que tu es unique. Et au lieu de rêver ta vie, vis ton rêve. Tout est possible dans la vie, faut juste y croire. En mode playtime, en mode réflexion pour prendre la meilleure des décisions. Un soir d'été, je t'ai rencontré, mon cœur a tout de suite percuté. Si j'avais su où ça nous mènerait, je t'aurais même pas regardé, moi. J'y peux quoi, moi? Si je suis tombé love de toi, tu faisais de ma vie un rêve. Les sentiments nous unissaient. Je te lance un SOS, l'amour ça fait plus mal que de tomber sur le sol. Je me rappellerai toujours de ce premier jour où nos regards se sont croisés. Des étoiles bloquent dans les yeux lorsque je te voyais. Impossible d'oublier l'effet que ça m'a fait. Tu sais que l'amour est éphémère. Tu étais mon étincelle. Après ce qu'il m'a dit, j'en ai tiré des conclusions. J'avais tout bien saisi, il n'y avait pas de confusion. Faut que je te désespère. Chixmiz. Ah mais elle arrête pas en fait, Chixmiz. J'ai compris, elle arrête pas, elle est partie. Voilà, t'as explosé les 1:30, mais on te remercie d'avoir freestylé ce soir dans l'émission. Merci à toi. Okay. Merci également. On peut te suivre sur le net, on peut te retrouver. Oui, en fait. Plus de crédit. Des choses qui peuvent arriver, mais non, en plus on rappelle. Bon ben, on filera les coordonnées, on les mettra sur le blog de Planet Rap, Skyrock FM. Et puis je rappelle aussi qu'elle repart avec cette semaine un bon d'achat de 100 euros offert par urbanlocker.com, le site de vente en ligne de vêtements, site leader de vente en ligne de vêtements. Urbanlocker.com qui file non seulement bon d'achat, casquette Vrong, casquette collector Six June, c'est pour toi, Chixmiz, on t'envoie ça du côté de Brest. Gizmo, on va attaquer le live dans quelques minutes. Ouais. Mais juste avant, qu'est-ce qu'on met? On met un morceau? Ouais, on peut mettre du R5 OR1. Ouais. Allez, c'est parti tout de suite. Gangst. YW.

Regarde défiant, il a ses principes à défendre. Méfiant dans les traumas, veut des sous-vides, plus de viande sous-vide dans l'estomac. Il sait que le moral est trop bas, t'es pas de morale, c'est boba. Des loupards se blessent copiques, il veut grandir télescobar. Sous les coups de barre télescopique, le petit veut réparer les potes. Marche dans les pas des grands avec du cran pour épater les potes. La télescope, c'est un télescope, il a ses pensées dans la lune, ses dépensées dans sa plume. Sa mère, il voulait de la saveur, c'est piqué dans la mer. Le petit avis sert dans la merde, il est coulé dans jauni. C'est que le rap, c'est pissé dans la mer en voulant que ça jaunisse. En deux roues dans les parages, il a la rage et des lacunes à fuir. Le petit veut pas des cas, mais il se fait cramer, mais c'est un dur à cuire. Il veut pas fuir les dunes à venir, ni les frères qui s'abîment. Rêve en échelle au pied de l'abîme, en échec dans les études. L'avenir, il se dit que les gros chèques, c'est après. Il veut la paye du trompa, sans décrocher le CAP. C'est rappé, il fait craper au maximum. Pour ses rêves, sa meuf, ses chutes de keuf. Il est quasiment, mais quasiment à terre dans les occasions. Eh! Il bécrave une bicrate sans cohésion. Lésion affectueuse du un père violent. Rouler faire du buzz, tu père est insolent. Qui font les insonances seulement. Si tu sais pas, tu oses. Il a fait 100 mètres du berceau, la vie c'est pas tout rose. Et il s'en mêle les pinceaux, ouais. Ouais, ouais, c'est la vie du petit. Le petit du système D. Il a les crocs tout seul, génération futile. Avec son chrome de seum. Le petit Bugs Bunny, one fight. Merci Bugs, frérot. Tu l'as mérité, mon gars. Yeah. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Voilà, je lui avais promis. Ouais. Je lui avais promis un 16 mesures. Il l'a eu plus qu'un 16 même. Là, on est content. Franchement, bien vu, frérot. Gangsters. On va laisser ma petite soeur rapper un peu. Cayenne. Ouais. Balance. Attends, on s'en... Session live, session freestyle dans l'émission Gizmo. JP Gangsters. Hey. Cayenne. Hein. Ok, y'a personne qui me donne le tiep. J'suis debout face au bled. Demain, si j'prends mes risques, je serai solo face au reste. À genoux devant le père, j't'en la joue qu'à ma mère. Arrêtez de faire les oufs, on sait tous nier un revolver. Chacun représente sa merde, moi je représente les miens. Tu peux me retrouver partout, y'a de la connexe jusqu'à Pékin. On s'en branle vos opinions, Cayenne va vous piner. À l'heure d'une mise, t'as fait le chignon, mais madame est venue chipper en classe. J'étais dissipé, j'ai fini dispensé. Faut pas trop se faire d'idées quand on sort du bled ou d'une cité. J'ai vu les blèmes, j'ai esquivé. Champagne à la main, j'passe toujours à travers le filet. J'ai mis les valises dans le train. J'suis une meuf, mais c'est pareil. Hey, on s'en bat les steaks. Ouais, un beat, une feuille. J'oublie pas les refrains qui me respectent. Toujours dans la zone, zone. Demande à mes gars, ouais. Elle a dit leur conseil. Faire les choses carrées, des blèmes et j'en passe. Mais j'suis toujours en place. Demande à mon refrain, j'vais tabasser les rages. Cayenne dans la masse. Oublie pas, j'suis une cassos. J'prends le beat et j'envoie des rafales de basse. Bref. Yoni Willy Gang, hey, check, ouais, check, check. Je m'appelle Gizmo, je m'en bats les couilles de tout. Je sais voler, dealer, me taper. Si demain ça marche plus, j'ai plus une roue de secours. Je rêvais devant joueur de foot. J'ai fini par détailler, même racailler. J'ai rafalé sur le cahier. Vas-y, ça y est, moi je vais me tailler. Là, j'ai trop la dalle. Jamais sorti de flow banal. Faut de la maille. Je me propre que boss, tu me dis pas au travail. Viens pas jouer les grosses racailles. J'ai pu faire du sale. Juste le temps de check une arme et deux secondes pour te mettre une balle. Fusé par l'effet du H, mec, tu es trop loin. Je pète des gros joints. Tu peux tester, mais si t'es trop léger, tu calmes. Moi j'ai possédé du crack, j'ai cuisiné comme Cyril. Je fais 60 kilos, mais avec un 9000 je suis viril. J'ai même le silencieux pour régler tout, tout, tout mes problèmes financiers. Calmez-vous tous, je suis pas votre fils, j'avais un rep. C'était un dingue, je mangeais des gifs, on dirait je me mangeais un peuple, hein. Des têtes à tête, j'en ai déjà fait un milliard. Je te fais ta fête ou je reste à terre, mais en tout cas je fais pas le fuyard. J'ai le millésime, mes punchlines te cross, coupe la tête de Zinedine. Je te la jette sur le torse, ils demandaient tous un inédit. Et le comeback du boss, oui j'ai frites, oui des chiffres, je tiens des grosses taffes. Je me torche, motherfucker. Motherfucker. Gangsters, JP Gangsters. Ah, ah. Ouzo, Gizzy, coucou, Sissi, oui c'est moi. Le petit Fouga mène ta meuf au cinéma. DJ Sim Sima. Hein. Check. Yo. Yo. J'ai mis ma ville sur la carte, ma bite sur ta face, t'annonces des mauvaises nouvelles, comme David puis Jadas. Ouais, ma street puis la crasse, tu t'agrippes, tu m'agaces, j'ai pas de frites, j'ai que ma weed et ma tisse, tu t'arraches, des petits tu arraches, gosse la trou de boulette, en bas, sous ou net, j'm'en bats les coucougnettes, j'suis dans ma plane, gros pétard et j'suis au calme, négro c'est d'art, si allez j'tard, bah ça peut virer au drame, hein. J'ai PG, négro touche pas à mon pote, parce qu'il y a un chargeur plein, et tu soulageras mon glotte, j'suis un soulard à son poste, mais j'suis vif quand ça freestyle, mon trou à me bloque, quand je smoke tout ces spliffs tard. Merde, je me bagarre comme un chiffonnier. Des bâtards veulent me pigeonner. Si t'attaques, y'a des pistolets et on peut tirer comme un spliff ou un lapin. On prend des risques, on tente Chris Fandy, c'est une gâtin. Et la débrouille, ça c'est pété, ça me saoule. Avec mes vrais gars, je bouge et raquette des Samsung. J'suis en banlieusard, j'ai mes TN. Dans le noir, j'te prends ton cachet. Si tu loupes, j'te NTM. Hein. Bande d'enculé, faut reculer. Je suis avec Secret Smack, c'est tous les autres. Hein? Gangsters. Yo. Yo. Check. Check. Check. Easy, ouzou, sissi, coucou. Ok, je vais ramener tous mes gremlins, toutes mes gizmets. Rappelez-vous bien, venez avec moi. Hein? J'ai du mal à parler d'autre chose que d'alcool et de shit. Nique la proc et le smic, vite à porte et le fric. Guise à croque et le fruit, tease et la bière. Oui, c'est la merde, je vis entre la corde et le vide. Force que le fisc harcèle les gens, c'est un casse-tête méchant. Comme la drogue et le bis, Malcolm et les guides. Dégage mon équipe, parce qu'on est vif. Le das et les tasses, on est vite. Dis-moi qui tu connais comme moi. Dis-moi. Sims, tu manges rien avec un petit 70 BPM, s'il te plaît. J'ai un truc pour Willy là. Un bon truc bien trap que j'aime bien. Ouais, histoire de leur expliquer que dès le matin on fait ce qu'ils font pas, poto. C'est bizarre nous, nos matinées, poto. Nos matinées sont bizarres. Et nos frôlots sont tricards. Check. Yo, je fume de la peau dès le matin. Je trempe ma queue dès le matin. Allez, fais-moi des œufs, petite catin. Bif jaune et bleu, c'est le vaccin. On s'en bat les couilles, on est les GPG. On fait l'argent facile comme le TGV. Je vais cramer la banlieue comme a fait papa. Et aller à la Mecque comme a fait pépé. Et je veux pouvoir tous ces GPTO. Maintes et maintes fois, je me suis répété. Et des vrais ghettos. Beaucoup plus une fois, on m'a déféré au parc. Et je suis dans le quartier, me faire embarquer. J'ai l'habitude, mec, je suis tarte. Et je mène la vie, je nique des faces. Mais je suis des faces, et des fois, je dis nègre, wow. Je cours après les bénéfices. Max te faire par la main. Et serre un verre de NSI. GPG, ça c'est le nom du gang. J'étais en l'illicite. J'avais pas peur de vendre. Fallait du fric et vite. Donc ce n'était pas tendre. On vit dans l'hystérie. Et je compte pas me rendre. Je suis un bon Renoir. Je fais des meilleurs sons que toi. Villeneuve, c'est sombre noir. T'es mort si t'es contre moi. L-A-S-C-A-R-S. Dealer, c'est comment la grâce. Hein? Dealer, c'est comment la place. Ça fait du bif des chouara. Y'a du bis de ah. Tu me faisais pas la piste quand moi je faisais du bis. Et que j'étais le guise du trou ah. Je deviens fou, j'ai plus de pitié. Mais qu'à fond des sous en bas de la cité. Pour tes c'est pas tout de savoir kicker. Tu veux blaguer mon crew, tu vas te faire niquer. Comme ma pute de la nuit dernière. Atteindre mes buts, et bah oui je sais le faire. Tu connais pas mes luttes, tu connais pas mes chutes. Je suis en bas du hall avec lui CRPR. T'as pas tarpé, viens pas nous voir. GPG, fric et pouvoir. Posé dans le quartier, j'encule des faces B. Préfère écrire quand il fait tout noir. Tu me verras pas fuir, traite pas de soulard. Legging en cuir, j'étais ma sous boulard. J'ai envie de lui dire, c'est quand je te tire. Dans les escales ou même dans le couloir. Gangsta paradise garanti. Ratatatata, je pars en vrille. Je voyais mon papa aller au carplay. Et un petit bâtard me voir grandir. Mais c'est quoi ça? Hein? Vécu de poissard. D'où ma calage, j'avais raison. Passe le goro et les massa. Et puis basta, je suis dans une autre galaxie. Je m'aide pour me relaxer. Pas de médoc de pharmacie. Y'a que la bœuf que je veux naxer. Tu sais pas qui je suis. Et tu veux jouer avec moi. Ok mon grand, c'est parti. Si tu veux faire le gangsta. En tout cas, j'ai pas rep. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que moi je cours pas, je suis le cinéphile de mon rap. Eh, déjà quitté, appliqué, abdiqué, jamais de la vie. On a des marabouts impliqués, c'est compliqué de monter la vie. Des fois je traîne avec un Madi, des fois je suis aux Almadi. Souvent je suis avec Lascar, mais souvent je suis dans Dakar. J'ai la tête qui va exploser. À Paname, gros, l'hiver c'est triste. Quand j'en ai marre de trop m'exposer, je me dirige vers l'université 6. Ah, Sénégal la vie, je fais du sale à vous. Je bouffe pas de salami, mais le mafé de Kadjatou. Dès le matin, j'ai piqué, c'est pas la main. Ok. Check. Hey, j'aime le voir à quatre pattes. J'aime les voir à quatre pattes. J'aime les voir à quatre pattes. J'te jure que j'aime les voir à quatre pattes. J'aime les voir à quatre pattes. J'aime les voir à quatre pattes. J'aime les voir à quatre pattes. J'te jure que j'aime les voir à quatre pattes. Ok. J'aime les voir à quatre pattes. Quand elles transpirent et qu'elles sont nues, tu biffes des sapes, une loque, un 4x4. J'te garantis qu'elle donne son cul. Motherfuck, j'suis fond, fond, fond, fond, fond. Allez, Gizmo, c'est bon, bon, bon, bon, bon. Elle est bonne, elle est OP. Elle me demande goûter ce que j'ai dans le caleçon. Son, son, son, son. Pétasse. J'aime quand t'es trempé. Tu sais me tenter. Voir les garettes avec le paquet de feuilles. J'aime quand tu crois que t'es la seule. Que mon amour est aveugle. Moi, j'suis en train de te tromper. Tu pourras m'avoir si ton parfait me rend fou. J'vais pas rentrer dans toi. Moi, je veux rentrer dans vous. Gros, j'en ai pas de cas. Mets-toi à poil et on s'en fout. Le toutou veut sa pêche. Il veut pas rester en loup. J'pèse au pluriel. Serre plus de coquille fusillade. Que ce soit Christelle ou Muriel. J'vais la rendre cool comme une image. Elle me faire une pupille, pupille. J'vais rendre ça bien jusqu'au fond. Évidemment, j'suis un cochon. J'ai des potes et des pochons. Vas-y, fais-moi rêver. Les couilles pleines et je veux m'alléger. J'aime ce clito. J'serai ton chipot. Tu seras ma chienne et tu vas m'allaiter. Gang. Gang. Oh. Ok, je vis que dans le bordel. Je nique les parts, les top 10. Ne me vissez pas les pieds, sinon je suis là demain. Avec une équipe, un clic, un cortège. Bang bang, moi devant que j'ai PG. Ouais, ouais, toutes les meufs que j'ai baisées. Mon dit qu'il s'est passé fait doucement. Ou ma chenègue va finir blessé. Ah, j'en ai marre de vous apprendre à péra. J'en ai marre de vous apprendre à péra. J'en ai marre d'assumer, j'allais me faire allumer. Glock devant ma gueule, ouais, j'étais là. Toi, t'étais où, négro? T'étais pas dans le coup, négro. Toi, t'étais à la couille, négro. Et tu me dis que t'as des couilles, négro, hein? La putain de tarage, je veux un putain de palace, 2-3 putain calache. Ah, un 9 mm, quelques grenades pour éclater des faces et un putain de famas. Oh putain, je t'abasse, putain, je fracasse ta gueule sur le sol comme Edward Norton. J'ai beaucoup de gars qui sont pas importants, mais qui t'aiment tarage parce que les couilles leur donnent. Faites pas les mains, là, y'a l'ascar et malé. Viens, c'est à des couilles, pas besoin de parler. Viens, c'est à des couilles, pas besoin de parler. Mec, je suis pas seul dessus, ça va barder. Ah, bang, bang, bang, bang. Bang, bang, bang, bang. Bang, bang, bang, bang. Bang, bang, bang, bang. J'suis pas pareil que tous les autres rappeurs. Mon père à moi c'était un vrai gangster. C'est moi le meilleur, j'te sors un faux tapeur. J'veux ma baraque avec un petit panzer. Demande à Hellboy. La beuh c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. JPG c'est nous, c'est nous, c'est nous. Venez pas nous test, on perd pas de temps. Venez pas nous test, on laisse pas le gang. Glock, cagoule, bâtiment, VK. Et allez tu restes là dedans. Dès le matin j'te dis. Dès le matin petit. Hein. Check. Poussé dans la merde, j'avais pas un clou. Tout est dans ma tête, j'ai les faces d'un fou. J'ai mes tasses de nuit et mes tasses d'un jour. Ça traîne dans la ville avec 4 un coup. J'suis dans ma décision, j'habite pas un clou. Ça fait tu peux biler, tu peux taper un foot. Azulé dans la street avec un tapin, j'roule. Un wash de weed et puis j'pars d'un coup. Ah, on fait que du sale pour ramasser que du wari. J'ai rempli les salles dès que mes demandes à Paris. J'ai vendu des grammes et j'ai épargné mon âme pour éviter les drames et les femmes que j'ai salies. Pistolet dans le sound system. J'suis de coffret, y'a que des gars qui craignent. J'suis dégoûté, j'ai pas tout écoulé. J'ai encore deux yamplis et j'suis en batterie faible. Tout le monde roule un joint de bœuf. On va délirer dans l'espace. C'est bouffe, on croit que je veux un deux. J'ai des gavas sur et des chlasses. Même pas à mesure, t'es pris de frisson. Mais quand tiens les murs et nique la prison. J'ai vendu de la dure, j'ai fait des missions. Les grandes VLT me donnaient des litrons. Gangsters. Wouh! Gangsters. Check, check. J'ai toujours vu mon grand frère porter ses couilles. T'es pas les mamans avec ses forces et ses douilles. On n'est pas des pétales, j'suis pas marche, mais j'suis ouf. Ramène tes gars, tous tes potes, on les bouffe. Tes potes, on les troute. Dis-moi, tu vas faire quoi si c'est pas un coup? Villeneuve, la garenne, pour ton appui la hier. Tu peux te faire fumer proprement dans un doux. Ça tricard la tête, ça bicrave la cesse. Des trimards, des flicards, des petits crames la zette. Efficace mais bizarre, les visages du système déprimé, des schlagues et des flimards. Mec, on est malade, tombé dans la tessie. Prends ton baba, nous, ta mère si t'es indécis. On peut te faire du mal, dégage de la espèce d'imbécile. Je deviens nerveux à force de fumer de la résine. J'ai grandi dans les blocs de béton. Poto, la rue m'a charmé. J'ai fait du sale et puis je suis béton. Depuis que j'ai 15 ans, je suis cramé. J'ai déjà fait le tour du 7-7, le tour du 9-4, le tour du 9-2, le tour des meufs plates, le tour des meufs crades, le tour des meufs qui voulaient que le gizmo et le tour des meufs classe. Je veux mon bif et puis c'est tout. J'ai mes bastos, c'est mon sicou. Ne compare pas, c'est fou. Moi j'ai grandi dans la rue, je batte avec les loups, ok. Je veux du bif et puis c'est tout. J'ai mes bastos, c'est mon sicou. Ne compare pas, c'est fou. Moi j'ai grandi dans la rue, je batte avec les loups. Tu peux pas voir le gizmo si tu traînes pas dans les vrais coins. Des fois je baisse, des fois je tisse trop. Des fois je dis, des fois je dis le moins. Je suis un de ces négros qui a tout pigé. Moi sur le déco j'ai tout cliqué. Barrette de bédo, ramène le cello, on raquette le seyo et vous kiquez. Va longtemps, c'est pas comme dans les films. C'est pire que Boys in the Hood. Ça ressemble à Resident Evil. Des zombies, des problèmes de flou, une gamberge de youth, des centaines de fous, des gangsters qui t'enterrent, qui encaissent le tout. T'es wanted, tu t'entends sans penser au plan, c'est tu passes du bon temps, mais c'est quand même le zoo. Higo, tu connais ma façon de vivre. Joint de frappe spatiale. Tu connais ma façon de kill. Le vrai t'es Jacques facial. Ok, faut du fric alors ça deal. Même dans un froid glacial. Négro, y'a des armes, y'a des outils. Donc tu sais ça sera sale. Ok, comment faire des sous. Comment faire des billets. Comment se faire une fouf. Comment la déshabiller. Faut juste être comme nous. Beau gosse, bonhomme et stylé. Présent au rendez-vous. On sait jamais défiler. Moi d'abord que c'est pas fini. Je suis meilleur que tous les autres rappeurs. Si si gizi gizi. Easy ex-dealer avec un faux braqueur. Mais c'est quoi cette cabine? Je m'enlèche les babines. Elle est bien cambrée, je veux la serrer comme dans une boîte à sardines. 6h du mat, la tartine. 8h du mat, la tartine. 9h du mat, je lui dis dans 15 minutes, faut que tu sois parti. 6h du mat, la tartine. 8h du mat, la tartine. 9h du mat, je lui dis dans 15 minutes, faut que tu sois parti. Gangs. C'était la session live, session freestyle avec Gizmo à l'instant, avec Cayenne, avec Bugs Bunny qui était là aussi ce soir dans l'émission entre 20 et 21 dans le Planète Rap de Gizmo. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette. Skyrock t'offre la nouvelle compil Urban Music non-stop, plus des chèques cadeaux de 80€. Absad Poitiers, comment ça va? Ça va, tranquille. En pleine forme, bienvenue dans le Planète Rap de Gizmo. Tu es prête à faire tourner la roulette? Ouais. Eh ben on la lance, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Ok, pas de soucis. Tu as mué d'un seul coup, incroyable. J'avais pas de stop. Eh ben pour toi, c'est les 80€ en bon d'achat pour acheter ce que tu veux. Nickel. La compil Skyrock Urban Music Non-Stop, on te fait plein de bisous. Bah ouais, en direct de Persiade, Poitiers. Et c'était juste pour dire, Guizmo, si tu veux des sapes, quoi, bah, j'ai une page de vêtements, mode SH Collection. Quel âge? Non, 22 ans. Je peux venir les chercher chez toi? Ah, y'a pas de soucis. T'es quelle origine, Afsa? Marocaine. Ah, t'es marocaine? Ouais, c'est ça. T'as un petit copain? Ouais, et là, je suis en direct, je suis avec lui dans sa chicha. Et il surveille les fringues, là. Ah, ouais, il surveille. J'en veux pas de tes sables de. Ah, t'es méchant. Je t'embête, ma petite gueule. Voilà, je viendrai, Inch'Allah, chercher ça. Mode SH Collection. Et ben, on va les cliquer, mode SH Collection, on va les voir. Merci, tu déchires. Bisous, passe une bonne soirée. Merci à toi, Gizmo, pour cette soirée. Merci à vous, les garçons. Et attends, j'ai le nom des gagnants. Ah, Sim Simé qui veut pas lancer une dédicace aussi. Attends, On t'écoute. Tu m'entends là? Ouais. C'est juste pour dire vendredi soir, c'est demain. Que du bonheur. Ouais. Au nouveau casino. Mais non, on s'en fout pas, c'est les enfants malades, c'est mec. C'est pour les enfants malades, faut aller les soutenir. Franchement, moi j'en ai rien à faire. En plus, c'est 5 euros la soirée. J'ai des bonnes consciences. Ouais, tu sais quoi? 5 euros. J'ai 23 ans, je suis alcoolique. La soirée au malade, moi aussi. On va aider des. J'ai 23 ans, je suis alcoolique. Moi aussi, je suis enfant malade, frère. Ouais, pour aider Gizmo aussi. Pour aider Gizmo. Gizmo, vas-y, les gagnants demain qui seront là au freestyle. Il y aura qui? Ouais, alors il y aura Alpha Lima Pedro. Il y aura Don Max. Lui, quand je vais le consulter, je vais lui dire qu'il change de blase par rapport à mon frère, parce qu'il s'appelle Dop Max. Ça peut un peu porter à confusion. Bah, on verra ça demain. Donc Don Max, mon gars, va sûr. Il y aura Rizlo et il y aura Lien Ju. Et bah demain, rencard avec le freestyle. Juste, merci. Toi, Bugs Bunny, t'as pas de site, on peut pas te rejoindre sur le net? Si, moi j'ai ma page YouTube. C'est Bugsy MC en détaché. Voilà. Bugsy. Encore MC. Une grosse dédicace à Bugs Bunny qui est venu ici. Ouais, bravo. Merci à tonton qui t'a amené, parce que de venir d'ici. Vous partez ce soir direct là? Non, on va passer la nuit sur Paris. Tranquille. Demain matin en train sur Aurillac. Et bah ça roule, merci à toi en tout cas, merci à vous tous. Et là on va retrouver D-Fool maintenant. Ouais, toute l'équipe qui est là. Ouais, Gizmo. Ah ouais, c'est vrai. Ça veut dire quoi ça? J'avais oublié ça. Ça va Gizmo? Ça va et vous? Écoute, ça va bien, tranquille. Ce soir, grande visite dans la radio libre. Il sera là avec nous, c'est Mark Ronson. Mark Ronson d'ailleurs. Ronson. On va danser. C'est ça, Mark Ronson. Oui, on va danser si tu veux, Marie. Marie, elle veut danser. Elle. Moi, je kiffe ce son. Il débarque le son avec Bruno Mars. C'est lui qui l'a fait. Donc ce soir, entre 21h et minuit, il arrive nous faire un petit coucou. Et puis vous pouvez débarquer ici. Hein. Allez-y. 0153 40 30. Non, c'est Mark Ronson. Son collègue. Le producteur anglais, tu sais. On lui demandera le numéro de Bruno Mars d'ailleurs. Tant qu'à faire. Tu veux que je récupère son numéro? Je te le file demain, Gizmo. Je passe te voir demain. Gros producteur, a bossé avec Nas d'ailleurs, il a fait un morceau incroyable. Bah ouais, il a fait un morceau incroyable avec Nas, j'ai oublié le nom, mais il a fait un morceau avec Nas. Ouais, j'ai un truc à gratter. Avec ou pas, Ned Dog aussi, avec Ned Dog. Ah ouais, Cédric, c'est une crapule là, rigoler direct. On reste dans les locaux, on bouge pas. Bah très bien, Gizmo. Et puis on t'en retrouve demain à partir de 20h, 21h. La découverte de tout Gizmo, c'est entre 20 et 21. Pour la dernière de la semaine, à pas louper donc demain. Ouais. Yeah, yeah. Et puis nous on arrive tout de suite, il est presque 21h. La pub en speed et juste derrière, et vous tous en direct. Et Jul pour démarrer. Ciao. Ciao. À demain Gizmo, à demain Fredo. Tous les matins sur Skyrock.